suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Surf, une vague mondiale, une série documentaire de Raphaël Kraft réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a l'envie d'ouvrir l'horizon et de se laisser brasser par les vagues et une compétition qui devait avoir lieu au Portugal repoussée à des jours meilleurs. Alors en attendant, on peut s'initier au surf. Alors pour commencer, les personnages. Un surfeur de 9 ans, un autre un peu réticent, un directeur d'école, un prof de surf, un navigateur constructeur, un shaper qui dessine, un tonton surfeur, une mère sur la planche, un père et son fils face au tube. Ensuite, le décor, le vent, la baie, la falaise, Audierne, la houle, des lycras, des planches, un bateau, des grosses vagues, une cabane, une ponceuse, des criques, le tourisme, la baston, l'adrénaline, une guitare et des spots secrets. Aujourd'hui, deuxième épisode, on enfile sa combi. C'est dur ! Pour monter la falaise ! Ouais. Oh. Quand on voit ça, on arrive à voir à quel point c'est gros. Non, après, on voit aussi des vagues qui déferlent. Non, mais on voit... On voit beaucoup plus là. Mais de là, on dirait que les vagues sont petites. Mais en fait, quand on est sur la plage, on voit vraiment comment ils sont grands. Mais pas qu'on monte un peu plus haut. Une leçon de surf à la baie. C'est une baie, c'est un très bon spot de surf. Ce que j'aime bien à la baie, c'est que les vagues peuvent être à la fois très grosses, pouvant... Oula, là-bas. Donc ça veut dire que les vagues peuvent être changeantes d'un coup. Ça veut dire que d'abord, elles sont à 4 mètres, 5 mètres. Et à un moment, bah, elles sont à 30 cm. Mais le paysage... Alors le paysage est assez beau aussi. Parce que, ah non, mais il est magnifique. Parce qu'on a en fait, on voit bien, ça forme comme un U. Parce qu'il y a toute la plage avec la mer. Et puis des deux côtés, il y a des falaises, voilà. Donc... Parce que là, il y a la mer et puis il n'y a plus rien après, on n'y a plus enfin, de... Il y a l'Amérique. C'est... Oui, mais justement, on est... La baie, on est plus vers l'ouest de France, en fait. On n'est pas exactement au bout parce que tout là-bas, il y a plein d'îles. Et oui. Les îles, vraiment, c'est le bout. Oulala. Et ton pote, il y a du vent, hein. Ouais. La particularité de la baie, c'est que c'est votre spot. C'est là où vous avez appris, c'est là où vous continuez d'apprendre le surf. Là où on a l'école de surf de Gwendal, c'est un ESB. Ouais. Alors c'est le signe de l'école de surf, ça veut dire école surf Bretagne. Et là c'est où j'ai appris à 4 ans à faire des cours de surf. Et depuis voilà. Et t'as quel âge là? J'ai 9 ans. C'est qui les profs? Gwendal, Nikus, Francky, Mathilde, Romain. Romain, oui. Mathieu, c'est pas un enseignant, mais c'est lui qui fait la cuisine. Ce matin, je suis tout seul. en attendant d'accueillir les élèves. Ça va être bien. Gwendal Lecléache, patron de l'école de surf de la baie. La baie du bout du monde. Et plus précisément ? Ah ouais, à l'école de surf de Bretagne. L'ESB, c'est ça ? L'ESB, ouais. C'est une petite cabane en bois ? C'est une petite cabane de 25 mètres carrés, dans laquelle on range une centaine de planches, 200 combinaisons, une trentaine de paires de palmes, une centaine de lycras, et une belle petite cuisine pour le repas des moniteurs le midi. Et ça veut dire que tous les matins, tu dois sortir une centaine de planches ? Hors saison, en fait, on sort juste le nécessaire. Là, on a une vingtaine d'élèves ce matin, on est à 3 moniteurs. Donc, il y a une vingtaine de planches. Les combinaisons, elles vont rester au sec ce matin, comme c'est un petit temps breton automnal. Ça, c'est mon portable, c'est bien. C'est Enyo qui m'appelle. Alors, je réponds. Réponds. École de surf d'Audierne, bonjour. Oui, c'est Gwendal. Oui, bien sûr, on assure les cours aujourd'hui, la météo est avec nous, la houle est encore bien forte, mais on n'a pas le vent, donc on n'a pas, c'est pas la tempête. Donc oui, on a cours plus que jamais aujourd'hui. Ouais. D'accord, super, à tout à l'heure. Alors justement, qu'est-ce qui distingue la Bretagne et ce coin en particulier du reste du monde par rapport au surf? La plus grande particularité qu'on entend souvent, c'est quand même le trait de côte qui est très morcelé. Et ce qui fait qu'il y a énormément de plages, de criques, de pointes dans un territoire assez réduit. Et au même titre que l'Angleterre, tu vois, l'Angleterre qui a beaucoup plus de licenciés que la France sur un territoire réduit, ils sont plus nombreux. Mais donc, pour la Bretagne, en effet, il y avait énormément, et il y a énormément de terrains de jeu. Ton père est là ? Marcus Pomeroy, ancien capitaine de bateau pirate et ancien surfeur professionnel. C'est quoi cette histoire de bateau pirate ? So some people around here especially will know that we built a 17th century dans le coin, certains me connaissent pour avoir construit un bateau de corsaire du 17e siècle que j'ai exploité entre l'Angleterre et la France en transportant du fret ou en organisant des charters pour passagers. Et puis un jour, on a débarqué à Douarnenez avec le bateau et nous voici à terre pour de bon. Et d'ailleurs, votre surf, celui que vous surfez en ce moment, a des morceaux de bois qui viennent de votre bateau pirate que vous avez construit de vos propres mains, vous avez abattu les arbres, etc. Le truc, c'est que j'adore construire des choses de mes propres mains, que ce soit des bateaux ou des surfs. C'est comme assurer une continuité que de réutiliser des matériaux, mettre un peu de son cœur dans une nouvelle réalisation, la rendre plus belle. Quand as-tu commencé le surf ? J'ai grandi dans les régions du Devon et de la Cornouaille, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Et le surf était partout. Pendant les vacances d'été, nous allions tout le temps à la plage. Je me souviens de mon premier surf. C'était une planche de bois. La plage où je surfais alors s'appelle Bantam, connue pour ses bonnes vagues. Très tôt, j'ai eu un bon feeling avec le surf. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne suis jamais allé à l'école de surf. Je m'y suis mis tout seul. Ça doit avoir un rapport avec mon caractère. Essayer, tomber, essayer encore. C'est la raison pour laquelle j'ai une technique et un style différent des autres. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui voudrait commencer le surf ? Je crois personnellement que l'école de surf est une bonne façon de commencer. Les personnes qui savent surfer peuvent bien vous conseiller. Surfer englobe tellement de paramètres que si vous faites mal les choses pour deux ou trois d'entre eux, ça va vous prendre un certain temps pour devenir un surfeur. Apprendre le surf, c'est devoir passer beaucoup de temps dans l'eau. Il y a tellement à apprendre pour bien évoluer dans l'eau. C'est très long. Et vous comprendrez vite que l'art de surfer en se tenant debout sur sa planche n'est pas la partie la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est précisément de savoir atteindre la zone où vous allez pouvoir vous lever. Donc tous les conseils que vous pouvez tirer d'un professionnel vous aideront à ne pas accumuler les erreurs. Malakai, ton fils va à l'école de surf de la baie. Toi qui as appris tout seul, pourquoi tu le mets à l'école ? C'est intéressant, nous sommes tous différents. Moi je suis du genre buté. Pour d'autres, il faut qu'ils soient aidés, encouragés par un professionnel. Malakai, lui, aime surfer avec ses amis. C'est un premier point. Et il a besoin d'être en confiance, et c'est ce que le moniteur lui apporte. Donc pour lui, c'est la meilleure façon d'apprendre. Malakai, c'est toi qui as voulu faire du surf, ou est-ce que c'est ton père qui t'a poussé à faire du surf ? J'ai un peu voulu, mais c'était plus ce que mon père voulait que je fasse. Et il m'a poussé pour faire un peu les exercices des fois. Mais oui, c'est plus mon père qui m'a demandé de faire et que j'ai essayé. Ça te plaît ? Des fois, ça me plaît pas quand les vagues sont un peu grandes, il y a plus de courant, plus de vent, ça fait les vagues deviennent plus grandes et plus grandes. Des fois, j'aime pas, mais des fois, j'aime bien. Par exemple, mon dernier leçon, j'ai bien aimé. Alors, avant, j'étais J'avais un peu peur de l'eau parce que j'étais pas un hyper grand nageur. L'océan est plus profond que une piscine, alors. Oui, un peu. Oui, juste un tout petit peu peur. Mais maintenant que j'ai appris mieux à nager tout seul, ça me fait pas peur. Qu'est-ce que tu aimes dans le surf ? J'aime bien peut-être les juste être dans l'eau parce que c'était quelque chose que je faisais pas beaucoup avant. Alors. Ça va les filles ? Il y a un peu de ça va ? Il y a un peu de mouvement d'eau quand même. On va les mettre en 7 pieds et puis faut les laisser dériver en fait. Ouais, tu vas venir là où on est, là où il y a le plus de mousse, mais si elles partent, ben faut pas qu'elles luttent, sinon elles vont vouloir attraper leur planche. Eva, on est où ici là? Je sais. Réponds. À l'école de surf. Et tu prends des cours de surf toi? Oui. Avec qui? Romain. Et t'aimes bien? Oui, parce qu'on s'amuse dans l'eau. Et t'arrives à monter sur la planche maintenant? Oui. C'est pas vrai? Si. T'as quel âge? 5 ans et demi. Oh! T'as pas peur? Non. Pour les enfants, c'est hyper gratifiant de réussir seul sur son support, tu vois. C'est, ils doivent à eux-mêmes et sont fiers de le montrer à leurs parents, aux amis. C'est ça qui fait que ça se développe aussi. Pour un enfant, le surf, qu'est-ce que ça apporte? L'enseignement, en tout cas, on leur donne des repères. L'océan fait que ces repères sont immuables. On ne peut pas tricher donc, avec l'océan. Donc l'encadrement et l'enseignement qu'on donne, le degré d'implication de l'enfant, en fait, ça leur donne énormément de confiance en eux, du fait de réussir par eux-mêmes. Et de connaître aussi l'échec, parce que pour réussir une fois, il a fallu avoir nombreux échecs. Donc on les amène dans notre pédagogie en fait à rebondir et à accrocher à l'activité et d'affronter ce qui est un peu difficile. On parlait des vagues d'aujourd'hui avec 2,50 m derrière, l'enfant qui arrive au bord de l'eau, il entend le bruit des vagues qui grondent. Lui, ce qu'il voit, c'est pas la petite vague du bord dans laquelle il va évoluer, ce qu'il voit, c'est les vagues de 2,50 m qui sont au large. Donc l'appréhension, elle est amplifiée, quoi. Souvent, moi, j'ai peur des très grandes vagues. Le problème, c'est que je me dis, ah, il y a assez des grandes vagues, mais ce qui va faire chuter de notre planche ou piquer du nez, c'est plutôt la puissance. Du coup, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on va faire, quoi. Tu veux dire que tu as encore du mal à apprécier la puissance des vagues, oui, etc. Ouais. J'arrive pas à me placer dans tout ça. Quoi, mais t'es toute débutante, toi. Oui. Mais t'aimes bien le surf ? Oui. Pourquoi ? Bah parce que ça m'amuse, c'est amusant et c'est faut persévérer pour faire ça et ça me donne du courage. J'ai envie de bien pouvoir surfer pour m'amuser et du coup j'ai envie d'essayer de pouvoir y aller. Mais quand on a 9 ans comme toi, galérer, c'est pas ce qu'on a envie de faire, non ? Non, mais on galère pas, on essaye juste. On est dans l'eau, quoi, on est bien? Oui, voilà, c'est ça. Dans l'autre sens. Sans forcer, toujours. Ok. Maintenant, on écarte les bras. L'activité, elle est gratifiante. D'avoir réussi à accéder à des mousses ou des vagues là où on n'a pas pied, pour un enfant de 5 ans, ou de 10 ans, ou de 15 ans. C'est fantastique. Et aujourd'hui, même pour des adultes cinquantenaires ou sexagénaires qui commencent à arriver, eh bien, c'est une épreuve qui est hyper gratifiante. Au-delà d'avoir été, on parle pas encore d'avoir été debout sur la planche. Ok, après on va faire les genoux. Vous savez comment, à quoi ça ressemblait déjà le surf, parce que j'avais déjà surfé à 3 ans, mais là c'était parce que j'avais... Papa me poussait dans les vagues, j'avais pas encore ma planche, j'avais sur sa planche. Alors qui va passer la barre aujourd'hui? Donc à 4 ans, on a découvert la baie, on a découvert l'école, et on a pris un cours, et j'ai appris comment me redresser plus rapidement sur ma planche et comment ramer tout seul sans que mon père me pousse. Ok. Ok, bon là tu t'es échauffé, t'es bien équipé, tu regardes les vagues avant d'aller dans l'eau ou tu te jettes direct dans l'eau? Je regarde d'abord à mon avis les vagues, voir déjà si c'est très gros ou soit pas si gros que ça, pour voir comment tu peux passer la barre, voir et aussi voir dans quelle direction c'est le courant, parce que tu peux dériver. Et où bien se positionner. Le surf, c'est d'abord une embarcation, c'est un bateau. Et ton surf particulièrement, puisqu'il est fabriqué avec des morceaux de bois de ton ancien bateau pirate. Est-ce que c'est une bonne façon de confronter un enfant à l'océan? I believe it is. Je crois que oui. Naviguer, surfer, skier, tout cela implique pas seulement une compétence, mais d'endurer, de se confronter à un environnement naturel. Mon fils, Malakai, mon épouse et moi passions tout notre temps à naviguer sur notre bateau et, ironiquement, on lui disait de ne jamais s'approcher du bastingage et soudain, on lui a dit « Allez, saute dans l'eau maintenant et va dans les vagues ». Drôle de façon de l'éduquer, n'est-ce pas? Mais bon, en bateau, ce n'est pas nécessaire de savoir nager puisque vous ne tombez jamais à la mer qu'alors qu'en surf, il faut comprendre les courants marins, les mouvements de la mer, les notions de sécurité que ça implique. Mais oui, comment dire, je crois que l'océan exige qu'il soit respecté. L'océan est puissant, il est plus grand que nous. Et c'est bien plus que ça. Parce qu'il suffit d'un petit instant d'inattention pour qu'il nous anéantisse. Je ne parle pas là d'une tempête comme on en voit à Hollywood. Je veux juste parler de respect. Lorsque je vais sur un spot de surf, j'observe. Je regarde où cassent les vagues, où sont situés les rochers. Tout particulièrement lorsque je vais pour la première fois. Je me considère à nouveau comme un novice, que la mer que je regarde m'est inconnue. Il me faut bien observer ce qui risque de m'affecter. Tout est vraiment question de respect. Ça peut paraître péché par excès de prudence, mais je crois que c'est la meilleure façon de rester en vie. Après, je crois que tu t'es fait shaper une planche, fabriquer une planche. On a vu un shaper qui s'appelait Thomas, qui était notre voisin juste à côté, je crois. Et donc on a sympathisé. Et donc papa s'était dit, Thomas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, fabriquer une planche pour Gabi? Alors, Gabriel. Thomas Chattard, shaper chez Fuser Surfboard. Comment s'est passée cette session avec cette planche hier? C'était bien. Est-ce que tu as noté des différences avec la dernière fois? C'est que j'ai senti vraiment qu'elle était très maniable, en fait. Ouais. Quand je suis partie une fois dans une vague, elle a des bonnes vibrations et je peux tourner facilement. Ouais. Et tu pars bien quand même? Je pars bien. Aussi, donc ça c'est bien. Et là, tu étais dans les vagues? Oui, cette fois-là j'avais passé la barre. Ok. Donc en fait, Thomas, ce qui s'est passé, c'est que tu as prêté une planche à Gabriel pour que tu puisses voir un petit peu ses sensations, etc. C'est quoi cette planche? Exactement. C'est une planche, c'est un shape traditionnel avec des courbes simples, confortables, mais aussi réactives, sur laquelle on peut tourner, on peut prendre des vagues facilement, sans aller dans une direction ou dans une autre particulière. Ça se rapproche d'un shortboard. Donc c'est une planche qui peut surfer du coup avec plusieurs gabarits. Un jeune comme toi qui est débutant va pouvoir la surfer aussi bien qu'un adulte avec un très bon niveau. Donc c'est pour ça que je voulais te proposer de partir sur une planche comme ça, qui va te permettre d'évoluer et pouvoir la garder quand tu vas grandir. Même si tu auras peut-être besoin entre les deux d'une intermédiaire à un moment. D'accord. Alors mon idée c'était de repartir sur la même que celle-ci, mais d'augmenter un tout petit peu la longueur, et un tout petit peu l'épaisseur, pour favoriser ce départ, le take-off. Oui. Pour que ce soit plus facile, mais que tu conserves quand même la maniabilité de la planche. vu que tu as l'air d'apprécier et que comme tu as l'air d'avoir la pêche et de vouloir y aller, ça va pas t'handicaper. Qu'est-ce que toi, dans 10 ans, tu voudrais surfer comment? Surfer toutes sortes de vagues. C'est que j'aimerais bien aussi être surfeur de grosses vagues. Donc là, ce qui se passe, Thomas, c'est que tu as commandé un pain de mousse. Oui. Et à partir là de toutes les questions que tu poses à Gabriel, tu vas façonner. Ouais, je pense qu'on dirait comme ça. Poncer. Sculpter, donner la forme à la planche. Et tout ça, tu le fais au feeling, en fait. Parce que tout est une affaire de millimètres, etc. Mais tu... Il y a une part de feeling, il y a un plan. Tu pars avec une idée, avec des mesures. Là, les mesures qu'on vient de faire, par exemple, elles sont importantes. On a décidé qu'on serait autour de 4 mm de concave. Donc, on va vers ça, avec du feeling. Okay. Mais on a un objectif. Parce que je veux dire, tu n'as pas une machine qui va te calculer au millimètre, au dixième de millimètre près, le concave. C'est ta main. Il y a des machines qui le font, mais là, en l'occurrence, c'est à la main. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est une planche pour Gabriel qui est assez plate. Qui va être parfaite pour les vagues que tu vas surfer ici et qui va te permettre d'aller vite, rapidement vite. Travailler avec Thomas a été fantastique parce qu'il a tout de suite compris ce que je voulais. Il est peut-être un peu pirate lui-même. C'est toujours difficile d'expliquer ce qui est clair dans ta tête, mais travailler avec lui a été formidable. L'histoire derrière la conception d'une planche de surf est vraiment importante. Alors bien sûr, tu peux toujours aller dans un surf shop et t'acheter une planche. Mais il n'y a pas d'histoire derrière. Et elle ressemble à quoi, cette planche de surf? En unité de mesure anglaise, elle fait 10 pieds, 4 pouces de long, 100 litres de volume, et elle est de couleur violette. Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Là, je m'équipe. Donc masque intégral à cartouche, et tablier, et puis veste, pour pas avoir trop de poussière, quoi. Ici, je vais commencer par les premières passes de rabot. Pour commencer à dégrossir la carène d'abord, toujours par le dessous. Donc là, on va aller faire le concave. Là, j'ai enlevé le gros de la matière avec le rabot et après je vais passer au surform qui va me permettre de casser les arêtes et d'affiner le concave. Donc ça veut dire que là on a le shape définitif, c'est ça? Le shape est définitif. Donc là on va l'habiller, ouais. Je découpe ma fibre pour qu'elle épouse plus facilement la forme de la planche, la forme du rail. Donc là, la peinture rouge dans un récipient. Et j'imagine que là, il va y avoir la résine, c'est ça? Tout à fait. Et après, je reviens régulièrement. J'essaie de venir, je viendrai dans 2 heures, voir si tout est impeccable. Au début, je suis bien stable. En étoile de mer, jambes écartées, bras écartés, ça va, je suis équilibré, les épaules redressées, je dégage la poitrine, je maintiens ma respiration plus longtemps, je vais pouvoir récupérer et continuer à ramer. Jusqu'à ce que la vague me touche les pieds, où je vais accélérer ma rame. Et tes premières vagues, plutôt que de t'accrocher à la planche, plutôt que de chercher à te redresser, tu lâches tout. Tu pars bras écartés, tu te laisses planer, tu te laisses glisser à gauche, à droite, et t'éprouves un peu l'équilibre de ta planche sur cette pleine accélération. Oh. Belle série, attention à toi. Superbe, ils se replacent tous. Ariane Michel, apprentie surfeuse. Une surfeuse toute neuve. J'ai commencé en juin parce que j'habite là la moitié de l'année. Ouais. J'habite près d'une plage magnifique où il y a souvent beaucoup de vagues. Un jour aussi, j'ai eu peur que mon fils se noie plusieurs fois parce que la mer est difficile. Et c'est un ami surfeur qui m'a dit « Oh, mais t'as qu'à le mettre sur un surf, t'es tranquille. » Mais c'est bien là, ton fils ? Ouais, il est là-bas, là. Il est en train d'essayer, là, dans les grosses vagues. Il a quel âge ? Elliot. Je sais pas, qu'est-ce que tu trouves dans le surf ? Quelle satisfaction ça a ? Je suis en relation avec la mer. C'est une tarte à la crème de dire ça, je sais, mais la première fois que je me suis retrouvée avec une planche, c'était magnifique parce qu'on était deux élèves et deux profs. Et avec des toutes petites vagues vertes magnifiques, et on s'est tout de suite levé, c'est tout de suite un peu magique comme ça, avec le soleil. Le dispositif est tellement simple, ce qui donne envie, en fait, je crois que ce qui est assez grisant, c'est qu'on se sent porté. Mais c'est vrai que le fait d'avoir peur de se faire écrabouiller, il y a une mini-mort là, il y a une mini-naissance à chaque vague. Il y a un truc qui donne une énergie folle derrière. Mais ce qui donne l'énergie, c'est surtout la vague, c'est surtout la mer. C'est pas tellement la peur. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment donné, c'est plus vous, c'est la mer qui pousse, quoi. Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul Lesquat, chauffagiste dans le Cap, tonton surfeur. Donc là, j'ai toutes mes planches que j'ai gardées. Voilà. Ouais, c'est une 6-7, 6-8. Ouais. C'est une planche faite avec de l'isolation, une résine polyester, un truc incassable qui a 35 ans. C'est la première planche que j'ai faite parce que d'ici, on n'avait pas de surf. On n'avait rien du tout pour surfer quand on a commencé. Il n'y avait pas de surf shop. Et en fait, les surf shops les plus proches étaient situés en Cornouailles. Ouais. On allait à Newquay, on prenait le bateau à Roscoff pour l'été, on allait en hiver, on partait, j'avais un vieux combi, on partait sur Newquay, on achetait une planche, des pains de wax, on en prenait pour tous les potes et des liches. Le surf arrive en France en 54, je crois, à Biarritz. Il n'arrive en Bretagne qu'à la fin des années 60 et il se développe surtout d'une part à travers le windsurf parce qu'au Pays Basque les conditions ne sont pas réunies pour le windsurf. Ici elles le sont. Et toi tu as commencé par le windsurf. Et moi j'ai commencé par le comme windsurf. Comme la plupart des surfeurs avec, bretons avec en fait. Avec ce truc qui est là en pendant là. Donc ça a été un peu ça l'expérience de la glisse et après on s'est attaqué au surf. On avait beaucoup de vagues et puis moi ça me gavait un peu d'avoir tout un tas de matériel, on gréait la voile, on sortait la planche, on arrivait sur l'eau, il n'y avait plus de vent. Tandis que le surf c'est complètement autre chose, on arrive, quand il y a des vagues il y en a, on peut s'amuser presque une journée entière et on n'est pas là tributaire du vent qui se lève pas, où il n'y en a pas assez, il y en a trop, donc voilà. Alors le surf se développe par le windsurf dès les années fin 60, fin 70. Et il y a un boom des spots comme Quiberon, La Torche, Crozon, souvent par le windsurf. Et là où on se trouve, vous êtes toujours resté un petit peu au bout du monde, en fait. Ici, les criques, les endroits sont plus petits, c'est moins grand, il faut y venir, on met du temps. Et c'est pour ça qu'on est resté un peu à l'écart de tout, quoi. La particularité du Cap, c'est que... comme son nom l'indique, c'est un cap, qu'il y a des orientations nord, ouest, sud, qu'il y a une grande diversité de spots finalement, que quand un spot ne marche pas, on va sur un autre. Eh bien à l'époque, Quand j'ai commencé le surf, on n'avait pas de portable, on n'avait pas tous ces sites météo qui existaient. Donc on était tributaire du Télégramme. Télégramme de Brest, le quotidien régional. Ouais, le Télégramme et puis la météo. Donc la météo, c'était clair, c'était sur France Inter à 8h-10. Et là, on écoutait les zones. Donc on prenait les zones qui nous intéressaient, c'est-à-dire Ouest-Irlande, Sud-Irlande, Nord-Irlande, Cap-Ouest, et puis tout ce qui arrivait sur nous, quoi. Et après, du coup, on allait voir. On allait voir le matin, on allait voir trois fois par jour, et on faisait le tour. On faisait le tour du Cap. Après, on se téléphonait, donc pas avec un portable, avec un téléphone fixe. Et puis on appelait, et puis on disait, ben, à telle heure, on va à tel endroit. Après, une très grosse houle de ouest, avec un grand vent d'ouest, on arrive à trouver des petites criques, des endroits abrités, mais bon, c'était jamais très parfait. Et je pense que c'est pour ça que le surf s'est pas trop développé ici dans le Cap. Là où les gens s'en occupaient pas, quoi. T'es un très bon copain de Gwendal, qui tient l'école de surf de la baie. Et en même temps, l'école de surf a une part de responsabilité dans la venue d'un tourisme de surf et dans le peuplement du spot. Gwendal, c'est un super pote. Il faut qu'il gagne sa vie. Et puis, l'économie du Cap a besoin de ce flux touristique pour pouvoir vivre le reste de l'année. Donc, c'est pour ça que, avec Gwen, je respecte ce qu'il fait. Et puis, c'est important. C'est la seule école qu'on ait, quoi. Gwen, hors saison, c'est-à-dire hors juillet et août, il prend tous les gamins du Cap où il a un centre de perfectionnement. Donc déjà, les gamins du Cap, c'est des gamins qui ont eu un grand-père marin, un père marin, quelque chose comme ça. Donc la mère, ils connaissent. Et puis les parents qui envoient leurs enfants sur la baie, c'est qu'ils connaissent l'endroit et ils n'envoient pas leurs enfants comme ça faire du surf. Ouais. Et puis ils connaissent le patron. Souvent, tu passes à l'école quand tu vas à la baie, discuter, J'aime bien aller voir les jeunes qui débutent, qui apprennent, et puis souvent on discute, ils sont intéressés parce que j'ai connu, quoi, donc je leur dis comment que c'était. Les gamins, ils n'en reviennent pas quand on leur dit qu'on était quatre surfeurs dans les années 80, quand ils voient comment la plage est bondée maintenant, ils ont du mal à réaliser ce qu'on a pu vivre. C'est pour ça que cet été, à un moment, il y avait, je crois, une houle de nord-ouest, un vent du sud-ouest. Ça marchait nulle part, sauf sur les spots secrets de la côte nord. Et je t'ai demandé où est-ce qu'on peut surfer. Et tu m'as dit, va te faire foutre. ouais, parce que c'est des endroits quand même qu'on garde, parce qu'on est arrivé à une telle population. Moi, ça me dérange pas d'avoir de surfer avec du monde, mais j'aime bien aussi quand même avoir ma tranquillité. Et puis, c'est quand même agréable de surfer une vague à deux, tandis que à la baie, tout l'été, on était plus de 200 à surfer sur une vague à touche-touche, quoi. C'est vrai que là, on est dans un endroit sauvage, on voit pas une maison, on est à l'aplomb de la falaise et on a une vague parfaite à deux, quoi. On peut pas trouver mieux, quoi. Lui, c'est une teigne. Mais Jean-Paul, c'est une figure locale et qui a beaucoup d'importance pour moi parce qu'il fait partie de ces anciens surfeurs qui ont vu cette vague de surfeurs affluer sur les côtes, qui a su s'adapter et qui l'a accepté. Donc moi, j'ai grandi un peu dans les traces de surfeurs comme lui, comme mon frangin, qui nous accompagnait à l'eau et qui étaient des repères pour nous quand on était dans l'eau, puisqu'il y avait encore cette image dans les années 80 d'une vague dangereuse. Les plages n'étaient pas surveillées, ou peu de plages étaient surveillées, peu de plages auxquelles on pouvait accéder parce qu'on était à pied ou à vélo. Donc on suivait les traces des plus grands qui voulaient bien nous embarquer avec eux dans leur voiture. Et puis, parce que au-delà de surfer, il y avait tout l'univers qui allait autour. Ils étaient en effet un petit peu en marge de ce que l'on connaissait, de par nos parents, de par les contacts qu'on avait dans le coin, de par le nautisme, la voile, c'était une école un peu différente. Et le surf est arrivé aussi dans cette manière-là, pour nous, d'accéder à quelque chose qui nous était pas interdit, mais qui n'était pas pour les petits jeunes qu'on était. On avait 12, 13 ans quand on commençait. Autant dans la mythologie du surf breton, on va retrouver la Torche, on va retrouver Quiberon, on va retrouver Crozon, et le Cap et la Baie sont les grands absents. Les premiers mouvements, rassemblements en termes associatifs, donc structuration, étaient ici, dans le Cap. Ça a commencé en 92 même, le CNBA de l'époque avait... CNBA, c'était le centre nautique de la baie d'Audierne, lequel avait initié avec ses premiers moniteurs diplômés, Didier Thirilly en l'occurrence, qui a aujourd'hui l'ESB de la Torche, qui dirige le réseau même des 9 écoles de Bretagne, avait fait ses premiers cours ici sur la baie. Et ensuite, donc il a monté sa structure sur la Torche en 94. Bon, il y a eu 2 ans d'écoulés où il y a eu des prémices en fait de cours et d'infrastructures. Et ici, on s'est monté donc 95 avec Franck Roller, dit Francky, lequel a fait 2 saisons d'été. On était heureux d'avoir un deuxième cours l'après-midi avec peut-être 6 personnes. Donc on réussissait à inscrire 8 personnes le matin. On était contents, ça y est, ça marchait. On avait 8 planches, 15 combinaisons. Un camion fourni par l'ESB d'ailleurs de l'époque pour démarrer l'activité et prendre. Donc autant dire que c'était pas rentable du tout. Mais on était plein d'illusions, candides à l'idée de pouvoir travailler de notre passion. Bienvenue à l'ESB, la Torche, et à l'ESB tout court, puisque la genèse de l'école de surf en Bretagne, c'est ici. Renan Chatin, patron de l'école de surf de Bretagne à la pointe de la Torche. Donc on a créé avec Didier Thirilly, qui est mon partenaire toujours aujourd'hui, la première école de surf en Bretagne, parce qu'on est les deux plus vieux moniteurs de surf Vous breton. Vous êtes les deux premiers même, ouais, moniteurs de surf breton. Exact. Donc fin des années 70, il y a une pratique qui a commencé à s'installer. C'est vrai que les anciens ici nous disaient, mais bon, qu'est-ce que vous faites en fait, c'est quoi le projet, ça n'a pas vraiment de sens, on ne fait pas ça ici. Puis en plus, culturellement, le rapport à la mer en Bretagne, c'est un outil de travail, un lieu rude, rugueux, qui emporte les hommes. Et donc voilà, et ça c'est un truc qui m'a vachement choqué là-bas, enfin pas choqué, mais interpellé lorsque j'étais dans cet environnement, de voir qu'en fait la mort était intégrée. Donc voilà. Nous, on a pratiqué une activité qui était plutôt considérée comme un jeu de plage dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme un sport avec toutes les exigences d'un sport de haut niveau, etc. Mais ça a pris du temps, tout ça. Donc, vous créez le réseau ESB qui est aujourd'hui représenté par 9 écoles, du Morbihan jusqu'aux côtes d'Armor. Ouais. Gwendal nous disait en 95, on a 6 élèves le matin et on se bat pour en avoir l'après-midi. Cet été, il en avait 150. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, pendant une dizaine d'années, 90-2000, ça a été plutôt le développement du réseau ESB. Et on se disait... on voyait des coins un peu saturés en Aquitaine ou ailleurs, ou dans d'autres pays. On se disait, nous, on a un territoire qui est grand, on est tous assez éloignés, on est tous potes. On va pas travailler dos à dos. Au contraire, on va plutôt essayer de réfléchir ensemble et favoriser un développement harmonieux, le plus harmonieux possible au regard du territoire, de ses spécificités, des localités, etc. Bien sûr que l'activité estivale est fondamentale, c'est ce qui nous fait vivre nos entreprises, mais c'est aussi ce qui permet de vivre à l'année et d'avoir une action locale forte où toute l'activité club, elle est avant tout destinée au public local, aux gens qui vivent ici et avec qui on partage des sessions pendant les 8-10 autres mois de l'année. Ça a permis de développer de l'emploi, d'avoir des gens qui sont aussi des jeunes, qui ont été nos premiers élèves, ceux que vous avez vus passer là. Aujourd'hui, ils sont entraîneurs, ils s'occupent de la filière de haut niveau. Certains ont des CDI, bossent à l'année. Ça leur a permis de rester au pays et d'avoir un métier, passion et d'en vivre. Gabriel, viens voir. Oui, je vois. C'est ce que c'est, ça ? C'est le plan de ta planche. Là, tu vois, on voit tous les boîtiers d'aileron, leur orientation. Ce que tu avais fait là. Ah oui, quand on a fait le shape. Mais là, du coup, c'est vraiment le plan où j'ai tout dessiné. J'ai installé les boîtiers d'aileron, tâton rocker. Voilà, c'est vraiment... Et là, c'est toutes les étapes que j'ai faites. Et on en est où alors, justement, là ? Donc, on est jeudi, t'as commencé lundi ? On a commencé lundi. Là, on a fini la stratification des deux côtés, des deux faces. On a installé les boîtiers, on a installé le plug de leash. Le leash, c'est donc la corde qui permet de ne pas perdre sa planche quand on tourne. Exactement, et de ne pas aller la chercher à la nage sur la plage. Il nous reste une couche de résine recto-verso qui s'appelle le hot coat. C'est la couche de ponçage qui va me permettre de niveler tous les faux niveaux, tous les petits défauts de la planche. Donc, et faire ressortir les boîtiers d'aileron également. Double couche, grand ponçage à gros grains. Et après, une autre couche de résine recto-verso pour la finition, avec un ponçage beaucoup plus doux. Là, je ne sais pas vraiment. Elle te plaît en tout cas ? Elle me plaît beaucoup, oui. C'est vrai ? Quand tu la vois déjà de là... Tu vas vraiment t'amuser avec ça. Si tu t'amusais avec l'autre, là, ça va être génial. Donc. Et là, la grande frustration de Gabriel, c'est que depuis plusieurs jours, les vagues sont très grosses. Et comme il pèse que 32 kilos... Arrête, papa ! Il ne peut pas passer la barre. C'est pour ça que ça va être bien de travailler pour le faire. Parce que le jour où tu vas y arriver, tu seras très content. Alors que si c'est trop facile... Bon, voilà, c'est fait, puis voilà. Alors que là, c'est un travail que tu vas faire, que tu vas y réfléchir, tu vas pratiquer. Le jour où tu arriveras à faire tes canards, bah, tu sais que tu auras passé une étape. Alors, tu le disais, il y a eu un boom ces 10 dernières années de l'enseignement du surf dans le monde. Ça se caractérise notamment au Pays Basque et dans les Landes par une augmentation considérable des écoles de surf. La réglementation européenne permet également à des Allemands, des Hollandais de venir enseigner là où il y a des vagues, puisqu'il n'y en a pas beaucoup chez eux. C'est devenu une véritable industrie, c'est presque parfois des fermes à surfeurs. Est-ce que vous parvenez ici à vous préserver de ça ? Alors, ça nous inquiète. Et avant de se retrouver dans la même situation, on a travaillé ensemble au sein du réseau ESB et avec la Fédération Française de Surf également, à savoir comment s'en protéger. La meilleure solution, c'est d'être plus performant et de faire valoir en effet la spécificité de notre diplôme. Et nos écoles de surf se remettent un peu en question dans leur enseignement. Pour pas devenir justement cette industrie version usine. Même si en effet en été on a du monde, eh bien on essaye de se réguler et de garder des cours de qualité pour réussir à se différencier. Alors la particularité qu'on a ici, c'est qu'on a 98% des gens qui s'engagent sur des stages à la semaine, ce qui fait que c'est les mêmes qu'on a du lundi au vendredi. Et c'est ce qui définit aussi notre enseignement. C'est des gens qui s'engagent sur une activité sportive et qui ne découvrent pas juste une activité ludique qu'ils vont changer sur une autre activité ludique le lendemain. Ce n'est pas un parc d'attractions. Donc ça nous permet de... Parce qu'elle existe, cette tendance ? Bah, c'est celle, en effet, qu'on a pu voir évoluer sur la côte landaise et basque, bien qu'il y ait des structures très engagées dans leur enseignement. Hein, tu vois, je ne veux pas généraliser, mais en effet, on peut dire qu'ils ont 20 ans d'avance sur nous dans l'enseignement. Et donc, on voit aussi quelle direction ils ont pris au fil des années. C'est vrai que quand tu as une clientèle très touristique qui cherche un divertissement plus qu'un enseignement, eh bien, tu peux faire le choix de t'orienter là-dedans ou pas. Et ici, en Bretagne, déjà, il faut être un peu engagé pour venir en été en Bretagne, où tu sais que tu vas avoir une eau plus froide. Ici, à la baie, elle a toujours 2 degrés de moins qu'ailleurs. Et que tu n'es pas garant d'avoir du beau temps. Voilà. Tu es garant d'avoir des vagues. C'est très rare qu'on n'ait pas de vagues. On est quand même au bout, là-haut. On a les premières houles, on a la première petite houle qui rentre. Ça nous arrive d'apercevoir 20 cm de vagues à la plaine basse et de se dire « Oh là là, ça, on ne va jamais réussir à faire nos cours » et les 20 cm se transforment en 50, 60, 80. avec la marée. Donc on sait en 15 minutes de temps que sur un début de montant ou début descendant, on peut se retrouver avec des vagues. On me dit que demain, là où il faut surfer, c'est à la balise à côté de l'embarcadère. C'est ça ? C'est vrai que c'est un endroit où il faut qu'il y ait un peu d'eau. Après, mi-marée, ça ne veut rien dire. Il faut connaître le coefficient pour avoir la hauteur d'eau. Donc si mi-marée, c'est un grand coef, ben, c'est déjà trop tard. Ok. Donc, mer haute à 8h57, et je ne connais pas le coef. Ah voilà, ben, c'est la base. Il faut plusieurs éléments pour connaître le spot qui marche et à l'heure où il va marcher par rapport à la marée, au vent et la direction de la houle. C'est la base. Tone Broker, surfeur australien installé en Bretagne, et son fils Naya. Raphaël. Naya. Naya ? Oui. Enchanté. T'es le fils de Tone alors, c'est ça ? C'est ça. Super. Hello. Comment vas-tu ? Ça va. Super. Ouais. Bon. Écoute, personne n'est sur la droite, okay. Mais elle est très belle. Bien. Et tout le monde est sur la gauche. Elle est un peu radicale à la balise, mais sur la droite, elle est. Mais je pense que les vagues vont se resserrer avec la montée. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Les gars, ils sortent l'eau déjà. Ouais, je crois qu'ils ont dû ramasser, ouais. Ah ouais ? Ouais. On est où là, Tom ? Bon, un petit spot qui ne marche pas souvent. Ouais. Effectivement, on est 6 mètres de haut qui est rentré hier soir, donc c'est assez rare de voir comme ça, mais ça fait du bien, ça fait un moment depuis que j'ai surfé ici. Ok. Et là, au fond, on voit que à l'autre côté... C'est la baston. Ah, c'est le baston, complètement. C'est la folie. On va ramer ensemble. Yep, parfait. Il est beau. Let's go. L'adrénaline, c'est-à-dire que comment tu la ressens ta peur là ? Je ressens une sorte de stress, mais c'est motivant un peu parce que ça donne une sorte d'énergie qui permet de passer parfois la barre quand il y a des grosses vagues ou. Naya, fils voilà, de Tone Broker. Parce que là, tu les estimes à combien les quand il y a des grossettes, la taille ? Je sais pas trop, je saurais pas trop définir la taille des vagues. Là ? Oui. 2 mètres. Conservative. Ça veut dire que c'est fourchette basse. On a fait un peu plus un petit peu avec la taille du vague. Ok. Pas comme bon. Les Français, tu veux dire ? Bah. Bon. C'est maintenant. C'est maintenant, tu veux ? Avec un truc comme un immeuble. Ah, je suis fait piéger. Ah, mais bon, ouais. T'as pu prendre des vagues ou pas ? Ouais, juste en reforme pour revenir. Ouais. Mais allongé parce que après j'ai suis refait éclater. Ah mais c'était trop. Un peu trop vite. Mais c'était bien, bonne expérience. Ouais, exactement. J'ai fait le canard le plus profond de ma vie. Et finalement, j'étais sorti comme un petit poupée, quoi. Là. Je suis en lavé, mais ça fait du bien quand même. Ouais. Donc, t'aimes bien aller à l'eau quand les vagues sont énormes et tu prends pas de vagues malgré tout? C'est une bonne expérience quand même parce que ça permet d'aller dans du gros surf et de voir un peu comment ça se passe. Et après, du coup, quand tu vas dans du surf normal, ça te paraît tout petit, quoi, par rapport D'accord. à ça. Et même si j'ai pas pris de vagues, c'était une bonne expérience et c'est cool, quoi. T'as pas eu peur? Un petit peu quand même, ouais. Mais ça fait partie, c'est le compromis, quoi. 50% j'avais peur et je ramais comme un fou pour passer la barre. Et 50% c'était cool. Qu'est-ce qui fait peur? De se prendre la vague de série dessus, en fait. Est-ce que c'est imposant d'être allongé sur la planche et de voir un mur de 2,50 m qui va s'éclater sur toi? Et surtout qu'après, il y a du courant en dessous qui peut t'emmener vers le fond parfois. Et j'aime bien. T'as quel âge? On va dire 14. Non, t'as 13 ans et demi. Oui, non, mais dans un mois, 14, quoi. Donc, on arrondit. Tone, c'était comment la session? C'est impressionnant. C'est la nature, là, vraiment dans les gueules. C'est cool. Bon, on va jouer de la musique maintenant? Ah, je prends ça, c'est ça. Bonne petite douche chaude et un peu petit café, un peu de musique. Ouais, ça fait le bien, c'est sûr. Mary cultivate the pieces and use them off of pots. I got about $5 and waiting to trade a mixed emotion for something more solid. Et est-ce que c'était facile pour toi alors? Non. Est-ce que t'as eu peur? J'ai eu peur quand. Parce que les séries étaient déjà assez balèzes parce que. C'est comme si tu voyais un monstre arriver comme ça. Quand c'est une série de 5 vagues par exemple. Et elles sont très grosses, donc tu plonges, tu remontes à la surface et tu remontes à la surface et encore une fois, parfois tu te prends les vagues en plein la figure, tu restes bien longtemps sous l'eau, donc après tu remontes à la surface et t'es pas très rassuré et tu te dis oh non j'ai envie de retourner au bord, j'en peux plus. Est-ce que tu te rappelles en cours les premières fois où en effet tu te faisais brasser comme ça par ces mousses, par ces vagues et je te demandais combien de temps t'es resté sous l'eau? Où je me suis noyé, où j'ai failli me noyer. C'est ça, là où tu t'es noyé plusieurs fois là pendant le cours. Bah, mais non, j'ai failli me noyer. Je préfère. C'était où je me suis un peu trop aventuré vers le large, je voulais prendre des vagues comme ça, tranquillou au large, en sachant que c'était quand même déjà assez gros. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvé en fait. Attends, mais j'ai plus pied là. Et donc, le courant m'a emporté au large. Je me suis fait brasser, donc c'était nul. Après, il y a un des moniteurs qui est venu me chercher comme ça. Il m'a pris sur mes planches et on est rentré comme ça au bord. Ouais, ça a été ta première leçon avec l'océan, quoi. Oui. C'était une leçon de surf à la baie. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marivonne à Bolivier, prise de son Olivia Branger, mixage Régis Nicolas, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Gilles Mardi-Rossian. Avec Gabi, Louise, Malakai, Eva et Naya, Gwendal Lecléache, Marcus Pomeroy, Romain Lossi, Thomas Chattard, Ariane Michel, Jean-Paul Lescoat, Ronan Chatin et Tone Broker. Musique originale Tone et Naya Broker accompagnée de Mathieu Moal. Remerciements à Gwendal Lecléache pour son accueil à la baie. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la baie des trépassés, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne à Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain,